nous faire et laisser nous dire ce que on a sur le cœur. Laissez-nous le faire en douceur, le dire avec des fleurs. C'est un bouquet de mots, bouquet de notes sol mi ré do. Au parfum si toute rêvée d'enfance, aux couleurs de notre espérance. Mais dans nos paroles, derrière ces fleurs, il y a comme un symbole. Une idée sympathique, un message en musique, qu'on offre à tous ceux qui sont malheureux. Qu'il soit débile ou déchant, il est certain que les enfants rendront les noms plus florissants. Laissons-nous le temps, laissez-nous tirer, laissez-nous faire, pour que l'amour sorte enfin de terre. Laissez quelques fleurs vont vous donner le bonheur. Le dire avec des fleurs.